En Edge, mettons, avec la pluie qu'il y avait eu, le terrain était là pour offrir un paquet de chances de birdie. Puis j'ai eu mon lot de chance, c'est juste que ça n'a pas converti. Et je termine maintenant avec de la course à pied. Il y avait une compétition qui se déroulait à Alma au cours du week-end. Et il y avait 132 coureurs qui ont participé à la 39e édition de la course Métro Dubé. Au 21,1 km, Michael Brassard, qui est natif de Saint-Augustin, a terminé au premier rang avec un temps de 1h31 et 37 secondes. Au 5 km masculin, Claude Gilbert du Club du Mille du secteur de Beau a pris le deuxième rang avec un temps de 16 minutes 47. 3 km masculin, Joey Pronovo a terminé au premier rang. Il est du Club du Mille du secteur de Beau avec un temps de 13 minutes 40 secondes. Au 3 km féminin, Annabelle Gagnon du Club du Mille, deuxième place avec un temps de 13 minutes 40 secondes. Et Derek Pronovo a terminé au deuxième rang dans sa catégorie avec un temps de 3 minutes 56 secondes. Et Danny Gauthier du Club du Mille a terminé au premier rang avec un temps de 3 minutes 52 secondes. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Caroline Delisle où on parle de la victoire de Bianca Andreescu. Également, vous pouvez écouter Patrice Martineau qui a hébergé Bianca Andreescu lors des trois derniers Challenge Banque Nationale à Ville-Saguenay. Sport Local et Régional à danradiosport.com. On s'en est.